C'était la veille de mon anniversaire, le 10 novembre 2008. Mais le destin frappa avant Noël. Un éclair brûla les cimes andines. Des vautours jaloux de ton trophée déchirèrent les restes de mon amour. Avec grâce, tu m'offris une tasse de thé. Et sous des draps, tu m'endormis doucement à mon réveil. Tu n'étais plus là, refusant de voir le chagrin dans mes yeux. Je t'ai appelé 40 jours, 40 nuits. Exhala silence et fumée, puis une lumière éclata dans le ciel. Voici les cachots les plus glacés de ton âme. J'entendis dans l'écho confus de ta voix. Depuis je lutte avec des fantômes. Depuis je lutte avec des fantômes, ton retour à mon réveil. Tu n'étais plus là, refusant de voir chagrin dans mes yeux. Je t'ai appelé 40 jours, 40 nuits. Des fantômes pour ton retour. Depuis je lutte avec des fantômes pour ton retour.